La fédération du Mali était une tentative de lancer, juste après les indépendances, la fédération du Mali. Vous le savez, la fédération du Mali a uni 17 janvier 1959, 40, ça, parler de ça, 44 représentants des quatre territoires issus de la colonisation décident de créer la fédération du Mali. Ben, ça ne va pas tenir longtemps. Vous voyez, ça n'a pas tenu longtemps. Vous avez le 22 et le 23 février 1960 à Paris, vous avez la tentative de créer l'Union des Républiques d'Afrique centrale, l'URAC. Les gens ne savent pas beaucoup, hein, mais il y a eu cette tentative. Aucune des anciennes colonies ne voulait aller à l'indépendance individuellement. Mais pour le cas de l'Afrique centrale, le Gabon va saboter ça. Le Gabon, Fembongo, Bongo, va saboter ça. Il va saboter ça. Donc, évidemment, agissant au nom de la France, évidemment, va saboter ça. Afrique Média, le monde, c'est nous.